entouré jeune fille à l'œil bleu. Chez l'homme attoiré de cocarde, Monsieur Raoul de Garde-feu. Vous apportez tes gants, moi j'apporte tes bottes. Oui, j'apporte tes gants, moi j'apporte tes bottes. Je suis la gantière, je suis le potier. Tel est ma carrière, tel est mon métier. Je suis des premières, je suis des premiers. Parmi les gantières, parmi les potiers. C'est la pote. Nul jeune homme n'est consomme dans le monde bien noté. S'il est coquettement ganté, s'il est finement poté, s'il est finement ganté, s'il est finement poté, s'il est finement ganté, ce qui donne les gants, c'est la pote. Sans évoluer le gant, au plus vite il l'emportait, il le cachait, et de bœuf.